Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aulnay-sous-Bois, en 1991. Une banlieue, pas pire que beaucoup d'autres sans doute, avec dans sa zone de grands ensembles, dans le quartier de la Rose des Vents, les problèmes inhérents à ce que l'on appellera dorénavant les cités. Des banlieues, des cités qui, dans les années 90, flambaient déjà et sur lesquelles, depuis plusieurs années, se penchaient politiques, sociologues et urbanistes impuissants, comme tout le monde, à résoudre ce qui était devenu peut-être le principal problème des grands ensembles, le travail, ou plutôt sa rareté. Aulnay-sous-Bois, le lycée Voyaume, en 1991, 2600 élèves, 330 professeurs, dans un établissement initialement prévu pour accueillir 1600 élèves. Des enseignants auxquels, déjà, il était implicitement demandé de dépasser leurs fonctions et leurs compétences pour prendre en charge les blessures sociales, culturelles, psychologiques et identitaires des adolescents des quartiers pudiquement étiquetés « difficiles ». Un lycée où se transportaient les nuits magnétiques pour rendre compte de l'expérience pédagogique qu'on y menait dans une classe de seconde qui accueillait des lycéens en situation d'échec. À cette expérience, s'était associé le photographe Marc Pateau que l'on retrouvait dans cette émission. Nuit magnétique, Aulnay-sous-Bois, deuxième et dernière partie, avec la participation de l'écrivain John Berger, une émission de Michel Maire et Isabelle Jeanneret, diffusée la première fois le 29 mai 1991 sur France Culture. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous retienne là où on est. Sans racine, on n'est rien en fait. La racine, c'est les amis, c'est les modes de vie, tout ça, comment on s'entend, c'est une sorte de solidarité entre jeunes. Sans ça, on ne pourrait pas vivre en banlieue. On n'aurait pas d'amis, ce serait pas possible. Oh là là! Généralement, ce sont des jeunes qui ont un parcours scolaire marqué plutôt par l'échec. Et ça se traduit par des comportements bien de violence ou bien... disons qu'il y a une rupture. Il y a une rupture avec la société qui est importante. Quand vous ne travaillez pas, que vous tournez en rond sur votre cité, que même quand vous avez une velléité ou une envie de faire, vous heurtez à des refus, à des échecs. Donc je crois qu'ils sont loin, un peu comme la cité l'est dans Aulnay. Je ne sais pas si vous avez regardé sur un plan comment est foutu Aulnay. Il y a le sud avec la ligne de la voie ferrée, ensuite le début du nord avec le commencement des cités, et puis le point culminant, comme un point sur un i, la cité des 3000, à l'écart un peu de tout. Bon, il y a certains jeunes, et je pense que pas mal de jeunes vivent la cité. À la fois ils la haïssent et ils l'aiment beaucoup, parce que c'est là aussi ils se sont faits, ils se sont construits. Je veux dire, chaque mur pour quelqu'un, un jeune d'ici, ce sont des souvenirs. C'est là où ici ils ont appris pas mal de choses. Mais ils la vivent un petit peu à l'image de ce qu'ils sont dans la société. C'est-à-dire là, mais très loin. Aulnay-sous-Bois, mai 91. Hey, Non, pour ouais, pour s'amuser. Quand on va à Paris, c'est pour s'amuser. Qu'est-ce que au musée, c'est la capitale, Paris. Et ben pour s'amuser. C'est du tourisme ou alors vous vous sentez quand même dans la banlieue de Paris? Ah oui, on se sent quand même dans la banlieue. Un peu. Ouais. À part que les, ouais, c'est pas vraiment les mêmes architectures, mais au niveau des gens et tout. Enfin, ça dépend aussi là des quartiers, hein, c'est pareil. Suivant qu'on aille dans un quartier, par exemple, si on va Champs-Élysées, on va se sentir bizarre. Mais si on va à Barbès, des quartiers comme ça, on n'est pas du tout instable, n'est-ce pas, mon cher Nicolas Gourval, même. Ouais. Ça, c'est des quartiers. D'ailleurs, en général, les gens qui circulent dans ces quartiers-là, c'est souvent des gens de la banlieue. Hein. Ils viennent là pour Paty, pour les Halles. Aulnay ou quoi? Michel Maire, Isabelle Jeanneret, et nos visages, mon cœur, fugaces comme des photos. Lenain, Laon vers 1600-1610. Famille de paysans dans un intérieur. C'est des paysans d'un milieu pauvre, il n'y a qu'à voir, ils n'ont pas de chaussures, ils ont des vêtements complètement déchirés. Vêtements de haillons. En rayon. Zikre, elle en a placé une, mais il a raté son coup. Il y a le sel sur la table, ça marque une importance dans ce milieu-là. Pour marquer la pauvreté, il y a aussi la façon dont elle est mise, la nappe, ce qu'on peut appeler la nappe, tordue. Il y a rien sur la table. Enfin, disons qu'on voit rien à part des gamelles vides, quoi. Après, qu'on voyant le chien, je sais pas, on le voit comment il est maigre. Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose de l'époque où il a pu être fait à travers les vêtements? Dans le monde paysan, je sais pas si les vêtements ont vraiment changé entre le 17e et le 18e. Dans le monde bourgeois, oui, il y a un style. Les vêtements pauvres, c'est toujours les mêmes, je pense. Mais les vêtements pauvres, bon, ils changent pas. Disons qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de changer, parce que bon, ça reste toujours dans le monde de la pauvreté on fait avec ce qu'on a, quoi. Les vêtements, ils sont faits avec des restes, etc. Donc je veux dire, ils choisissent ni la couleur, ils font le plus simple possible dans la forme, etc. Et est-ce que, à notre époque, est-ce que maintenant, on voit quand même des différences ou on voit moins de différences aussi grandes, d'après vous? Aussi grandes, non. Mais oui, il y a des différences quand même, je pense. Mais pas aussi grandes que bon, il y avait là entre les paysans et la bourgeoisie. C'était le jour et la nuit. Mais bon, maintenant, des différences, il y en a, mais... C'est les marques, le prix, quoi. Les gens peut-être qui sont les gens de banlieue... ils ont moins de moyens. Ils ont souvent des habits moins chers, quoi. Il y a moins de marques et tout. Mais le contraste, il est beaucoup plus faible que dans le 17e ou 16e siècle. Ça se calme, on continue. Nathalie, on reprend. Thierry, on reprend. Ça y est, hop, c'est fini. Vous reprenez le texte de Jeanne Berger, on le termine. Christine, vous prenez le... Non, vous avez déjà lu. Christophe, le dernier paragraphe. Or, ainsi décapités, leurs corps se trouvent piégés dans le présent de leur bureau. Ahmed, Salib, Mehmet, Denise, Kérim, cela prendra fin. La photographie posée devant moi sur la table s'est faite trop incriminante. Mieux vaut ne pas l'imprimer, même à des milliers de kilomètres de la Turquie. Elle montre 5 hommes debout, en rang, à l'intérieur d'une pièce au mur de bois, quelque part dans les faubourgs d'Ankara. La photo a été prise après la réunion clandestine d'un comité politique, il y a de cela 2 ans. Les 5 hommes travaillent comme ouvriers. Le plus âgé doit avoir la 50aine, le plus jeune approche de ses 30 ans. Chacun d'eux est aussi indubitablement lui-même qu'il le serait aux yeux de sa propre mère. L'un est chauve, l'autre a des cheveux bouclés, 2 d'entre eux sont maigres et noueux, un autre bien enveloppé et large d'épaules. Tous portent des vestes et des pantalons étriqués, achetés à bas prix. Entre ces vêtements et les costumes des bourgeois, il y a autant de rapports qu'entre les bidonvilles de la capitale et les villas chics des patrons et des marchands. Or, même déshabillé dans un bain public par exemple, un officier de la police ou de l'armée aurait peu de mal à les identifier comme des travailleurs. Même si les 5 baissaient leurs paupières de sorte à masquer leur expression, à feindre une recommandable indifférence, leur classe sociale transparaîtrait encore. Même si, assistés par la magie de certains djinns, ils affichaient, avec un art consommé, l'expression faciale typique d'une maîtresse de spéculateur, charme sucré, indifférence et cupidité sucrée, leur port de tête les trahirait toujours. C'est comme si, au moment de leur conception, un tribunal les avait tous condamnés à être décapités à l'âge de 15 ans. Combien cette photo révèle de choses sur la politique, sur ce qu'il y a en elle d'irrépressible, dans son essence même. Ces 5 hommes, avec leurs amours, leurs enfants, leurs chants et leur mémoire anatolienne, ne sont les dupes de personne. Souvent, ils ont été mal guidés, mal organisés. Souvent, l'autocomplaisance charismatique de leur leader a fait d'eux ses premières victimes. Rien de tout cela ne les a jamais surpris. De ce monde qu'ils connaissent si bien, ils n'attendaient rien de meilleur. Ils savent qu'il ne se passe pas d'hiver sans neige en Anatolie, pas d'été sans que la sécheresse ne fasse crever les bêtes, qu'il n'y a pas de mouvement ouvrier sans répression. Les utopies ne fleurissent que sur le tapis. Mais ils savent également que ce à quoi ils ont été soumis dans leur vie est intolérable. Et le fait de nommer l'intolérable constitue en soi l'espoir. John Berger. Qu'est-ce qui incrimine dans cette photo? Quel est le détail essentiel? C'est plus qu'un détail. C'est la tête, oui, toute la tête. Le regard, bien sûr, mais le port de tête aussi. Si bien que s'il n'y avait pas la tête, s'il était vraiment décapité, la photo cesserait, nous dit-on, d'incriminer, c'est-à-dire de dénoncer. Bon, alors, on revient donc à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'essentiel de ce texte, la leçon de ce texte, l'idée, c'est que dire l'intolérable, c'est-à-dire ce qui est insupportable, c'est déjà un acte politique et ça débouche nécessairement sur l'action. D'accord ? Et c'est ça qui constitue un espoir pour le futur. Bon. Alors, Nicolas, c'est gentil, vous revenez au dessin de Goya et vous passez le dessin. Alors, pendant 5 minutes, là, vous... Cette photo était sur le mur devant la table où je travaillais pendant les mois et les mois. C'est une photo envoyée à moi par un ami à Istanbul, une Turque qui s'appelle Murat. Lui-même, il était, il y a des années maintenant, il était en prison. Il était même torturé. Il m'a envoyé cette photo et je l'ai gardée jour après jour. C'était pour moi une espèce d'icône. Vous allez regarder le dessin de Goya qui s'appelle Les Fusillés. La fusillade ou les fusillés. Fusillade des. C'est l'occupation en Espagne de Napoléon. L'occupation de l'armée française, oui. De l'armée napoléonienne. Et là, c'est une fusillade par des soldats français contre des patriotistes espagnols. Des patriotes espagnols, oui, c'est ça. Hein. Donc, une œuvre de commande en 1814 qui cherche à célébrer donc, l'héroïsme des patriotes exécutés par les occupants français en 1808. Donc ça doit suffire, ça, pour commencer une lecture du tableau. Il ne faut jamais, jamais, je crois, simplifier les choses. Parce que de cette simplification, les mensonges sont nés. Bien sûr, les Espagnols qui résistaient contre les Français, contre l'armée étrangère, pensaient qu'ils étaient les patriotes. Mais il faut dire qu'il y avait aussi les Espagnols qui ont collaboré avec les Français, en voyant dans cette collaboration un avenir plus moderne, plus juste, moins féodal qui existait à ce moment. Et eux aussi, ils pensaient qu'ils étaient les patriotes. Voilà, ça c'est la tragédie. Les guerres civiles. Ça y est, vous reprenez votre calme et puis vous essayez de rassembler vos esprits là et puis votre intelligence et votre matière grise et vous travaillez sur les documents que vous avez sous les yeux. Vous essayez de voir tous les trois tableaux qui circulent, quatre même, car il y a quatre photographies. Barbara, allez-y, vous allez décrire le tableau. Je suis contente. Je vois des hommes qui tiennent un fusil. Est-ce que c'est le premier groupe d'hommes que vous voyez, ça, ceux qui tiennent un fusil, Barbara? Non, je vois déjà les morts. Les morts avec le sang, là. Vous voyez ça, les cadavres. Oui. Il n'y a pas autre chose qu'on voit peut-être encore plus facilement? Si, l'homme, là, qui tient les mains en l'air, qui... Oui. Les bras ouverts. On le voit tout de suite. Parce qu'il supplie, il a une chemise blanche en plus. Il a l'air noir d'ailleurs. Marina, vous voyez. Alors, on voit au premier plan, on voit l'homme qui lève les bras avec quelques autres, un petit groupe qui sont autour de lui, qui regardent ou qui se cachent les yeux. Alors, combien de groupes de personnages? Trois. Il y a le groupe des soldats, le groupe des patriotes qui sont là pour se faire exécuter et le. Ça se passe en pleine nuit, enfin en tout cas dans la nuit et ça c'est assez éloigné de la ville parce qu'on voit le clocher au fond. Oui. Au dernier plan et tout est dans la nuit, il y a juste une lumière on connaît, qui est cachée par les soldats. Lettre d'un lycéen fusillé en 1943. Le 8 février 1943. Mes chers parents, chers amis, c'est la fin. On vient nous chercher pour la fusillade. Tant pis. Mourir en pleine victoire, c'est un peu vexant, mais qu'importe. Le rêve des hommes fait événement. Mano, souviens-toi de ton frangin. Jusqu'au bout, il a été propre et courageux. Et devant la mort même, je ne tremble pas. Adieu, petite maman chérie. Pardonne-moi tous les tracas que je t'ai faits. J'ai lutté pour une vie meilleure. Peut-être un jour tu me comprendras. Adieu, mon vieux papa. Je te remercie d'avoir été chic avec moi. Garde un bon souvenir de ton fils. Totote, Toto, adieu. Je vous aimais comme mes autres parents. Mano, sois un bon fils. Tu es le seul fils qui leur reste, ne fais pas d'imprudence. Adieu, tous ceux que j'ai aimés, tous ceux qui m'aimaient, ceux de Nantua et les autres. La vie sera belle. Nous partons en chantant. Courage. Ce n'est pas si terrible après 6 mois de prison. Mes derniers baisers à vous tous. Votre Pierrot. Je ne l'ai pas lu, ils ne l'ont pas lu à haute voix, mais ils l'ont lu silencieusement. Et je crois que ça permettait d'installer du vrai dans un lieu où ils avaient perdu l'occasion. Ils ne savaient pas qu'on pouvait être vrai à l'école, qu'on pouvait faire des choses pour de vrai, sentir des choses pour de vrai. Donc là, il m'avait semblé qu'il fallait faire très attention de ne pas abîmer l'émotion du départ. Ce n'étaient pas des textes de littérateurs, ce n'étaient pas des écrivains, c'était des gamins comme eux qui allaient mourir parce qu'ils avaient fait un choix extraordinaire. Et donc, j'ai voulu préserver cette émotion. Donc, ils ont eu les textes sous les yeux. Ensuite, Marc a grandi donc, une des lettres. Et ils ont travaillé toute l'année sous ces mots d'adieu d'un enfant de 17 ans, avec des mots poignants, des mots vrais. Je crois que c'est ça, ensuite. Ils ont senti la leçon, en tout cas. Petit à petit, eux aussi, ils sont mis à dire des choses vraies, d'oser leur émotion. « 11 heures, des pas lourds résonnent. On vient nous chercher. Le garde, bourron honteux, exécute les ordres. Son pas ne s'entend plus, un pas incertain, étouffé par la détermination des 5 lycéens. Il n'ose même pas se retourner. Près d'un mur, 5 regards vides. Regard la mort, regard la vie. Un dernier sourire, un sourire profond. Feu. » Ouais. On avait vu dans le tableau de Goya qu'il y avait des hommes qui se... qu'ils étaient vautrés, qui demandaient pitié, quoi. Par contre, il y en avait un, ça m'a marqué, quoi. Il était en blanc, et il était comme si... il se rendait pas, quoi. Même devant la mort, il se rendait pas. Il levait les bras, puis je pense que les 5 lycéens, ils ont fait la même chose. Je pense que... c'est pareil, quoi. Je m'identifie à eux, je sais pas. C'est pas vraiment... je peux pas le dire, quoi. Parce qu'il faut vraiment y être, mais... je pense que... pas que j'aurais fait la même chose, quoi, mais s'il y aurait eu moyen, quoi, j'aurais été avec eux, quoi. Pour la liberté de mon pays, je mourrais, quoi. Combien dure le dernier moment? On ne sait pas. Est-ce que c'est qu'une seconde? Est-ce que c'est toute une vie? Ou est-ce que c'est l'éternité? Aujourd'hui, je pense que notre vie, elle est celle qu'on est en train de vivre. On est obligé d'être courageux, parce qu'elle est... elle est dure et elle continue d'être dure. Et il faut la supporter, quoi. La vie nous est imposée. Et comme on l'a pas choisi, c'est ça qui est dur. La vie imposée dont tu avais parlé. Oui, oui, oui. Dans la tête de nous tous, il y a tout. Il y a tout dont les femmes et les hommes ont rêvé depuis le commencement. Mais, à un certain moment, vers 11 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça dépend, la vie est imposée sur le corps, parce qu'il faut faire ça pour survivre. Ou il faut faire rien, parce qu'il n'y a rien à foutre, rien à faire. Et le contraste entre ce qui est imposé sur notre existence comme un être physique et un être social et un être historique, le contraste entre ça et ce qui remplit nos têtes, même si nous n'avons pas la confiance d'en parler. C'est ça, non, Thierry, qui est l'imposition. Oui, moi j'ai des choses que je ne supporte pas. L'intolérance, je ne supporte pas l'intolérance. L'intolérance, c'est quelque chose de vraiment insupportable. Et est-ce que tu te trouves confronté dans ou en dehors du lycée avec l'intolérance? Je vois l'intolérance, je vois qu'il y a de l'intolérance, mais moi je ne suis pas confronté à l'intolérance parce qu'on m'a toujours appris à être tolérant. Mais tu rencontres autour de toi des marques d'intolérance, des personnes intolérantes? Je rencontre des gens intolérants. Je vois des marques intolérantes. Je vois, oui. Oui. À l'intérieur du lycée? À l'intérieur du lycée, je n'ai pas vu. Je sais qu'il y en a, mais j'en ai pas vu parce que je ne vis pas assez. Je ne vis pas assez dans le lycée pour vraiment affirmer qu'il y en a, mais je sais qu'il y en a. Et moi, il faut toujours une preuve pour vous dire qu'il y en a. Et à l'extérieur? À l'extérieur, j'en vois, je sais qu'il y en a. J'en ai vu et j'en vois encore. Demain, on va au musée du Louvre. Si je te dis poète de vos papiers, à quoi tu penses? Tu peux nous raconter l'histoire? Ouais, si vous voulez. C'était, bon, c'était il y a la dernière sortie. Je me suis fait arrêter, je crois que c'était à la gare du Nord. Ils m'ont demandé si j'avais ma carte de résident. J'avais oublié ma carte de résident. Puis, comme j'étais avec Lionel, il a fallu que Lionel reparte chez moi pour qu'il me ramène justement ma carte. Parce que bon, j'estime que j'habite depuis longtemps en France, donc. Ils t'ont demandé tes papiers parce que tu faisais une bêtise? Non, c'est juste contrôle d'identité, c'est la routine, je pense. J'ai ressenti une sorte de mépris, une sorte de honte. De honte, toi tu n'avais rien fait? Bah non, voilà, justement. Et par exemple, pendant la guerre du Golfe, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti pour la guerre du Golfe? Qu'est-ce qui t'a vraiment blessé? Par rapport aux gens que tu connaissais, par rapport à tes amis ou aux gens que tu fréquentais? Qu'est-ce qui m'a blessé? Je sais pas, moi, c'est... Est-ce que tu en parlais? En dehors du lycée, ouais. J'en parlais, bon, comme... Et dans le lycée, non? Non, pas vraiment, ça m'intéresse pas. Pour moi, le racisme, c'est de l'intolérance. Pour moi, être à côté de des gens qui ne supportent pas la religion de quelqu'un d'autre, c'est de l'intolérance. Quelqu'un qui ne supporte pas une autre personne qui voit le monde d'une autre façon, c'est de la tolérance. Chaque personne a le droit de penser comme il veut, chaque personne a le droit d'avoir une vision de la vie comme il le sent, comme il le pense. Et ça, c'est très important pour moi. Tu ne crois pas que l'intolérance, c'est une façon de nier la réalité de nier l'existence d'un autrui. L'intolérance, c'est... L'intolérance commence peut-être... Bon, il y a une centaine de façons comment ça commence. Mais ça amène toujours aux mêmes choses. Que eux, ils n'existent pas réellement. Ils n'existent pas comme nous existons. Et donc, on peut faire n'importe quoi avec. Et c'est cette négation de l'existence des vrais êtres qui sont là, qui sont réels. C'est de là que tout le mal commence. L'autre nuit, j'ai rêvé d'une terre déchirée, pareille au brouillon raturé et froissé. Je rêvais que la terre consumée, pareille à la lettre dans la flamme. J'ai rêvé que la terre était morte, pareille à la feuille desséchée. J'ai rêvé, j'ai cauchemardé, mais lorsque je me suis réveillé, tout était vrai. Ce poème, j'ai écrit quand j'étais en colère, c'est tout. Alors, j'avais une dispute avec mes parents et j'ai écrit comme ça parce que j'avais envie de me défouler. Et le fait de l'avoir écrit, tu te sentais mieux après ? Ouais. Quand j'écris ce qui me passe dans la tête, ben ça passe mieux. Quoi. Et qu'est-ce qui te met surtout en colère ? C'est qu'on me comprenne pas et qu'on me dise que je suis bête ou autre. J'aime pas ça. Je hais les chansons tristes. Il y a toujours une cause pour les écrire. Je hais les causes. Il y a toujours un soldat pour les défendre. Je hais les soldats. Il y a toujours une guerre pour les prendre. Je hais les guerres. Il y a toujours un fou pour tout détruire. Je hais les fous. Il y a toujours un asile pour les contenir. Je hais les asiles. Quand en pourrais-je enfin sortir ? Enfin, je pense qu'il l'a pas lu comme moi je l'aurais lu. Parce que, bon, c'est assez personnel. Donc... Il peut pas ressentir les mêmes choses que moi quand je l'ai écrit. Mais sinon, bah, ça a été... Ça m'a plu, mais sans refléter vraiment ce que je voulais dire. C'est mon impossibilité de sortir de ce qui fait ce qui moi me retient. C'est ça que je vais par-dessus tout. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir ? Enfin, pas vraiment... Pas sortir... Enfin, de sortir de ma propre asile. Dans laquelle je me suis enfermé. Quand tu dis asile, tu veux dire un asile à l'intérieur de toi ou dehors ? Non, en moi. En toi. C'est-à-dire, par exemple, ici, au lycée et en banlieue, c'est pas là que tu te sens enfermé ? Non. Non, c'est partout. Qu'est-ce qui te pousse à écrire ? Je sais pas, c'est dans des moments de colère ou autres. Quand j'en ai marre, quand j'écris, puis bon, ça passe, ou des fois ça me calme ou pas, ça dépend. Puis ça me permet de prendre conscience aussi de ce qui m'arrive. Thank you. plupart, ont subi l'école. Ils sont là, ils ne savent pas trop pourquoi. Or, brusquement, moi, je souhaitais petit à petit qu'ils essaient de prendre en main leur destin. D'ailleurs, il y en a un qui l'écrit dans un de leurs poèmes. Alors donc, cette expérience d'adolescent, c'était des adolescents qui avaient fait un choix de vie, qui a conduit à la mort. Et donc, ils ont réfléchi à ça au début. Ça, c'est... Et je crois que ça les a émus, touchés. Et tous les premiers textes, c'est une sorte de plongée dans l'horreur d'une mort imminente quand on a 17 ans. C'est scandaleux. Et pourquoi ? Eh bien, brusquement, ils découvrent que... Eh bien oui, c'était le seul choix digne, non pas de mourir, mais de risquer éventuellement la mort pour des valeurs, pour que la vie qu'on vit soit vraiment la vie, sont leurs mots à eux, ça. Parti de là. Et alors ensuite, eh bien, sortir de ce cauchemar et voir un petit peu, et ma vie à moi, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'était un petit peu ça, c'était là que je souhaitais les amener. Et donc je crois que petit à petit, eh bien, ils ont pu parler d'eux. Et ça, je crois qu'ils n'ont jamais parlé d'eux. On ne leur demande pas ça. Il y en a qui me disaient, mais on peut écrire comme ça ici ? On peut faire ça ? Il y en a qui se sont mis à écrire que lorsqu'ils ont vu sur le mur les poèmes des autres. Quand on a vu ce que les autres faisaient, on a lu les autres, et eux, ils ont lu ce que nous faisions. Je crois que ça... Comment dire ça, il y a des relations qui sont formées, quoi, et je pense que c'est un bien, parce que peut-être qu'on ne serait pas arrivé aux mêmes relations qu'on est à l'heure actuelle si on n'aurait pas fait ces poèmes, parce que on devient plus intime, quoi, on voit ce que les gens pensent au fond d'eux, et peut-être qu'on n'aurait pas fait les poèmes, on n'aurait pas vu comment ils pensaient, comment ils réagissaient devant différents problèmes. Et moi, je crois que pour la classe en entier, le groupe, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est bête que ça n'existe pas plus souvent. Là, c'est arrivé comme ça parce que c'était nous. Mais je pense que ça devrait être fait dans d'autres classes et pas seulement une seule. J'espère que tout le monde a pu écrire à sa manière. Bon, pour ma part, j'ai écrit à ma manière. Bon, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris des choses sur moi, en fin de compte. Qu'au fond de moi, il y a des choses que je peux dire. J'ai d'autres façons de m'exprimer. Qu'en fin de compte, l'école n'est pas quelque chose de mauvais. Comme je l'ai pensé, comme je l'ai toujours pensé. Mais c'est maintenant, grâce à cette expérience, que je me remarque que aujourd'hui, l'école est très importante et restera toujours très importante. Ce que j'ai fait là avec ce concours, au début, je me disais que c'était quelque chose de très banal. Bon, quand j'étais au collège, on avait des concours, ça n'a jamais abouti. Et là, quand je vois tous ces textes, quand je vois même aujourd'hui ces interviews, quand je vois tout ce qu'on a fait, je me dis que ça vient de nous. Et j'aurais jamais réalisé que des élèves qu'on supposait ne plus avoir de chance dans la vie puissent réaliser de telles œuvres réaliser quelque chose de vraiment concret, très concret. Et c'est pour ça que j'en suis fier, mais je fais attention parce que c'est pas tout. Il manque encore quelque chose, puisque si on est là, c'est parce que il nous manque encore quelque chose. Dans la prison, à Fresnes, c'est le lieu. 11h, ce matin vers 11h, c'est le temps. Jeunes, fusillés, des jeunes ont été fusillés, c'est l'action. 5 lycéens, ce sont les personnages. Jean, Artus. Il a 15 ans. Jean Artus a 15 ans, c'est le premier. Pierre Benoît. Il a 15 ans. Pierre Benoît a 15 ans, c'est le second. Lucien Legros. Il a 16 ans. Lucien Legros a 16 ans, c'est le troisième. Jacques Baudry. Il a 18 ans. Jacques Baudry a 18 ans, c'est le quatrième. Pierre Grelot. Il a 17 ans. Pierre Grelot a 17 ans. C'est le cinquième. Moi, j'ai 17 ans. Moi, j'ai 17 ans. C'est la narratrice. Mots, mots, des mots pour dire. Ce sont leurs mots qui furent écrits. Adieu, chers parents. Adieu, chers parents. Adieu, mon grand chéri. Adieu, mon grand chéri. Adieu, Mano. Adieu, Mano. Adieu, maman. Adieu, petite maman chérie. Adieu, Toto. Totote, Toto, adieu. Adieu, Nicole. Adieu, Nicole. Adieu, Jacques chéri. Adieu, Jacques chéri. Adieu, la vie. Adieu, la vie. Mots, mots. Des mots, ce sont mes mots que j'écris en leur mémoire. Oui, c'est venu de vous. Georges de la Tour, il a fait une étude sur les visages, non ? C'est lui ? Et il a fait des similitudes entre l'homme et l'animal. Et il y a des hommes qui ont les mêmes traits que les animaux et ça rappelle donc leur caractère. Alors là, par exemple, le bourgeois là, qui va se faire avoir, il a une tête de bœuf, c'est ça on avait dit ? Il a une tête de bœuf. Tête ronde. Tête bien rondelette, bonne joue, bonne patte. Alors que le tricheur qui est à gauche, là, il a plutôt une tête de renard, le visage fin, le nez fin, l'œil, un petit œil moins ton pointu. Et la femme, je vois pas, c'était quoi ? Une tête d'œuf, je crois. Une vache ? Tête d'œuf, tête d'œuf. Ah oui, son visage est rond aussi à la femme. Ovale. Ellipsoïdal. Il a voulu marquer par la peinture, il a voulu exprimer le caractère du jeune homme, comme il ne pouvait pas l'écrire. Il a fait un rapport entre l'homme et l'animal. Comme les animaux, on sait bien leur caractère. C'est plus simple que l'homme. Donc on les reconnaît mieux. Coupée, elle est bonne. Jour. Le nain guide Goya à travers un paysage aride, couleur de rouille, encombré de pierres et de rochers. C'est le chemin de retour à Madrid. Goya, regardant la salle. Ils ont braqué sur nous tous ces feux, toutes ces lumières, et les yeux qui nous regardent de tous les côtés. Est-ce mirage, amore ? Le nain. Sur ce plateau en dur décor de pierre, je ne distingue rien, absolument rien. Pas une âme, pas un cheval, pas un mulet. Et cela depuis déjà midi. Goya. Si, dans ce dur décor de pierre, tu tiens absolument à émettre ce genre de forte pensée, pourquoi ne montes-tu sur l'une de ces pierres, justement ? Le spectacle sera plus complet. Le nain. Laquelle ? Goya, mais la plus proche, voyons. Ça m'évitera d'avoir la tête toujours tendue. Le nain. Vous voulez que je transporte une pierre tout le long du chemin, c'est ça ? Goya, pourquoi pas ? Elle nous servira de podium et d'abri contre le vent. Il s'arrête. Le nain ramasse la pierre la plus proche. Elle est très grosse. Le nain. Vous croyez qu'il y aura une fin ? Goya. Fin à quoi ? Ils se mettent en marche. Le nain. À cela ? Goya, non. Le nain. Saragosse est tombé. Don Antonio est mort. Goya. L'agonie, c'est plus embêtant que la mort. Le nain. Je sens qu'il me faut reposer la pierre. Il faut nous cacher tout de suite. Il s'abrite derrière la pierre. Goya. Tu as entendu quelque chose ? Le nain. Rien. Rien du tout. Pas un cheval, pas un mulet, pas une âme. C'est que la pierre est trop lourde, voilà tout. Goya, debout, et continuons. Le nain, couché, l'oreille contre la terre. Non, non, j'ai peur. Ça tremble, la terre tremble. Poteau de feu, engin volant, champignon brûlant. Goya, as-tu fini, Amore, avec ton cirque ? En route. Le nain reprend la pierre. Il marche. Portrait de Marina Waldenstein, marquise de Santa Cruz, 1763-1800. 8, acquis par Dacion en 1976. Francisco de Goya, Fuentodos, Saragosse, 1746, Bordeaux, 1824. Il n'est pas mort en 1824. Il est mort en quelle année ? En 1828. C'est difficile, hein ? Il a l'air d'être assez arrogante, je crois. Ça a l'air d'être une femme, quand même, d'une... une bourgeoise, quoi, d'une classe sociale assez haute. Voilà, aisée, elle a l'air d'exprimer un peu son niveau social, quoi, voilà. Ses privilèges. Voilà. Elle a l'air de s'imposer, d'être un peu supérieure aux autres, quoi. Elle veut peut-être se croire un peu supérieure aux autres. Voilà. Petit arnaquois, quoi. Ils ont mis le tableau d'une façon à ce que... On ressent mieux son visage parce qu'on voit qu'elle regarde vers le bas et qu'elle nous regarde, nous, tu vois, vers le bas. Et je crois que le tableau, vu qu'ils l'ont mis assez haut, ça évoque bien ce qu'elle montre dans son visage. Ça renforce encore plus le tableau encore et l'idée qu'on se fait. Thierry, j'aurais voulu que toi aussi tu me dises, comme tes camarades, qu'est-ce que tu vois dans ce visage ? Qu'est-ce que tu trouves du caractère, de la personne qui est là ? Alors dans le caractère du visage de la personne, je vois plutôt un caractère un peu insolent. Insolent parce que elle se cache derrière des habits noirs et seul son visage est... fait un contraste entre le noir et le fond du tableau. Mais je comprends un peu puisque c'est Goya. Goya, c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est à cette époque, était plutôt réservée, était toujours avec Dieu. Les femmes à cette époque étaient toujours à la maison, même en Castille on voit souvent des maisons avec des barreaux, ce qui prouve que les femmes étaient très très, très surveillées, comme on pourrait dire. Et que là je comprends pourquoi cette femme en noir, on voit pas les genoux, on voit à peine le coude, le bras, un bras, et son visage. Et que peut-être Goya voulait faire ressortir que ce n'était pas par le corps qu'une femme pouvait s'exprimer, mais aussi comme les hommes, par le visage, et que le corps n'était qu'une partie du corps, et que le visage était une partie très importante, et que c'est par le visage que sortait l'expression de chaque personne. Voilà. Voilà, là tu bouges pas, on va faire la même avec les yeux fermés. Voilà, vas-y, ferme les yeux. Voilà. La deuxième. Voilà, c'est bon. Vas-y, regarde comme tu as envie un peu, bouge la tête, ouais. Regarde vers l'appareil maintenant. Voilà, comme ça, c'est pas mal ça. C'était toi le premier. Ouais. Voilà. Comment ça s'est passé, par exemple, quand Marc est arrivé avec ses morceaux de photos et a commencé à les mettre au mur comme ça? On a mis des tables pour poser les feuilles. Et après, on a commencé à rajouter les bouts. On ne savait pas vraiment qui c'était. Alors, on cherchait, on dit qu'on croyait que c'était moi. Non, au début, on croyait que c'était Cédric. Et c'est après, on a vu que c'était moi et tout. Et après, c'est moqué, quoi. Ça m'a choqué, quoi. Parce que je m'attendais pas du tout. Ça m'a donné envie de l'avoir chez moi, quoi, la photo. Et quand les autres ont commencé à voir leurs photos aussi, ça a changé? Tu t'es habitué à vivre toujours avec ta photo à l'école? Ouais, c'était. C'était puisque, en plus, généralement, il n'y a que la classe qui la voit, donc... Si d'autres la voyaient, qu'est-ce que ça... J'aurais pas aimé, quoi. Et pourquoi t'aurais pas aimé? Parce que... Je sais pas. Parce que ton portrait, il est plutôt vraiment réussi, il est vraiment bien. Ouais, mais je suis trop sérieux dessus, c'est pour ça. Tu te trouves trop sérieux? Ouais, beaucoup trop. Il n'y a pas des moments où t'es sérieux? Si, mais... Il y a des moments où tu penses à des choses qui sont sérieuses. Oui, mais ça, je suis tout seul. C'est pas pareil. C'est parce que t'aimes pas que ça se voit. Non, j'aime pas trop. Non, on va pas y arriver. C'est pas possible. Non, c'est bon. Je suis derrière. Sinon, je vais possible. Vous demander de sortir à tous et puis... C'est pas possible. Non, là, je suis concentré, là. Je le sens bien. Je la... Bon. Alors, on va en faire une dernière. Vas-y. Voilà, lève un tout petit peu la tête. Voilà, comme ça, parfait. Okay. Moi, je sais qu'à regarder, c'est mieux quand ils ferment les yeux. Parce que, autrement, bon, eux, ils sont pas concentrés, quoi. Mais ça fait ressortir un peu ce qu'ils t'envisagent. C'est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas l'image qu'on donne, quoi. Quand on a les yeux fermés, on ne se rend pas compte de comment on est. Et sûrement, on prend une expression différente. Moi, j'ai vu les photos quand j'avais les yeux fermés, je ne me reconnais pas. Hein. Qu'est-ce qui avait changé? Je ne sais pas. Je ne reconnaissais pas ma... Ma face. Ouais, je ne reconnaissais pas mon visage. Bah, disons qu'avec les yeux, on se donne peut-être une expression. Je sais pas où elle est dans les yeux, mais moi, je me reconnais pas quand j'ai les yeux fermés. Alors là, vraiment, je me reconnais pas. Je préfère J'aime pas trop les yeux fermés parce que j'ai l'impression d'avoir le vertige aussi. Ouais. Je préfère fermer. Mais si je préfère avoir les yeux ouverts à ce moment-là. Et là, vous étiez appuyé contre un mur. Mais c'est vrai que quand les gens ferment les yeux, ils partent, tu sais. Et ça, c'est souvent très beau. Enfin, pour moi, tu vois, photographe, parce que... à la fois c'est le dedans, tu vois, parce qu'on ferme les yeux, donc c'est un regard très intérieur, et puis en même temps tu vois les gens partir, donc tu les vois à la fois rentrer en eux, tu vois, et puis en même temps tu les vois et ça c'est très beau. Alors ça donne des flous effectivement très très beaux. Fermer les yeux, c'est une chose si mystérieuse, n'est-ce pas? Parce que quand nous fermons les yeux, nous voyons derrière nos paupières, nous voyons les choses qui sont invisibles à tout le reste du monde. En même temps, bien sûr, une de les choses absolument impossibles dans cette vie, c'est de nous voyons nous-mêmes avec les yeux fermés. Mais hante, mais il y a tant de choses qui hantent là. Pourquoi nous fermons avec tendresse les yeux des morts pour qu'ils ne regardent plus? Peut-être, dans un sens, quand nous fermons nos yeux, nous avons l'idée que nous sommes en train d'être regardé. Mais d'être regardé dans une façon bienveillante. Voilà. Est-ce que maintenant, là, vous pouvez essayer, vous, j'aimerais bien que vous fassiez, vous, la conclusion et vous essayez de voir. Nathalie, coucou. Le point commun. Miguel. Le point commun entre tout ça, c'est-à-dire le texte de Pierre Berger et John Berger. Pardon, de John Berger. Non, ça peut être Pierre, parce que mon deuxième nom est Pierre, Jean-Pierre. Et le dessin, la peinture de Goya. Quels sont les points communs entre tout ça? La liberté? Oui, c'est sûr que la liberté est au cœur. Le combat. L'oppression, le combat. Ils ont le même combat. Ils ont le même combat. Et donc, je vous rappelle que vous, vous avez fait un recueil à partir de là, qui s'appelle « Laissez-nous vivre », qui supposait donc aussi une résistance. Alors, une résistance à quoi? Vous vouliez quoi, vous, comme titre? Ben oui, Didier aussi, « Explosion poétique », oui. Alors, « Explosion poétique », pourquoi alors, Didier? Xavier, enfin, pourquoi je vous appelais Didier ce matin? Parce que ça avait plus rapport à ce qu'on faisait, puisque nous, c'était la poésie ce qu'on faisait. Alors. Parce que c'est une sorte de révolte, mais avec la poésie. Avec la poésie, c'est plutôt. La première fois qu'on en fait aussi. Voilà pourquoi. Ouais. Donc ça éclate. Ça explose. Explosion, d'où le mot explosion. Voilà. C'est bon, Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Ils ont découvert qu'ils pouvaient écrire, qu'ils pouvaient dire, qu'ils pouvaient communiquer une émotion, qu'ils pouvaient exister. Je crois qu'il s'est passé des choses même entre eux à partir de là. Parce que ils ont existé. Les plus timides, les plus en échec, les plus fragiles, quand leurs textes ont été affichés, ils ont vu que d'autres étaient émus par ce qu'ils avaient écrit, et brusquement, ils ont pris de l'assurance. Il y en a qui ont dit, au début, on n'aimait pas écrire, c'était un pensum, et puis on s'est pris au jeu. Et ensuite, on ne voulait pas que les autres lisent nos textes, et puis ensuite, les autres les ont lus. Et puis maintenant, eh bien, on écrit parce que ça nous plaît, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres, on assume. Ça, c'est bien, ça. Il redresse la tête. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Moi, le mercredi, moi aussi, je regarde un peu la télé. Je regarde très rarement la télé, j'écoute plutôt la radio. Bon, la sculpture. Non, j'écoute. Ouais, j'écoute la radio. Parce que dans la radio, je trouve que ça donne plus à réfléchir que la télé. Hein. La télé, je regarde l'image, c'est une image plane, sans relief, sans perspective. C'est pas très, très, très, très intelligent. Je parle quoi, je pense que c'est pas, la télé n'est pas très, très intelligente. C'est vraiment ce que vous faites. C'est vraiment ce que vous faites là, non, non. Bonne photo. Bon, le dernier livre que j'ai lu, c'était un livre de Friedrich Engels qui parlait du communisme. Moi, je trouve ça bien, mais c'est long, c'est compliqué. Donc, ça parlait du communisme. Ce que j'en ai retenu, c'est que en lui-même, le communisme, c'est quelque chose de bien, mais il a été très mal interprété par les hommes. Ce que les hommes ont vécu dans cette période. Je me suis imaginé, et je me dis, ça a été très dur pour eux. Ce qui s'est passé en Russie, et ce qui s'est passé à l'Est. Et maintenant, il n'y a que maintenant qu'on voit les répercussions. On voit que le communisme part. Et que je me rends compte qu'aujourd'hui, va peut-être apparaître une autre forme de système politique. Avant, il y avait le capitalisme et le communisme. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y aura après le capitalisme ? Mais je sais qu'aujourd'hui, le capitalisme est sauvage, qui laisse de place qu'aux plus forts, qui laisse de place qu'aux privilégiés. Et que pour nous, quand je dis nous, c'est tout le monde, la majeure partie de la population, on a peu de chances de réussir dans un monde où les plus forts sont les plus forts, resteront toujours les plus forts. Mais ce qui est bien, ce que je pense, c'est que dans la tête, si on se dit dans notre tête qu'il y a un espoir, je crois que ça sera déjà pas mal. Et même quand dans le texte de John Berger, lorsqu'il dit que lorsqu'on nomme l'intolérable, il faut après réagir. Et c'est ce que je pense aussi. Déjà nommer ce qui est intolérable, déjà un acte dans sa tête d'agir, même si ce n'est pas un acte mobile, mais c'est déjà un acte pensif. Et penser déjà, c'est déjà beaucoup. Ça se sépare du corps, mais ça fait partie du corps aussi. Penser, ça, c'est à nous. Ça n'apparaît pas, mais c'est à nous, quoi. Et c'est pour ça que c'est très très important de penser, toujours réfléchir, toujours écouter, toujours regarder. Parce qu'on a des membres pour... Nous voyons ou nous écoutons. Les gens qui, vu d'un certain point de vue, sont des perdants. Et vu de l'autre, miraculeusement, sont les gagnants. Nous vivons aujourd'hui dans une culture... où on prétend que la seule chose qui est importante, c'est de gagner. C'est que les gagnants qui touchent la réalité, qui comprennent les choses, qui vivent vraiment la vie. Et bien sûr, c'est faux. C'est absolument faux. Et en tout cas, ces gagnants, définis comme ça, sont toujours et inévitablement une petite minorité. Souvent une petite minorité bête. C'est plutôt les perdants, ou les soi-disant perdants, qui comprennent la vie et qui touchent pas seulement la réalité, mais le sens derrière la réalité. Des, des choses pareilles dans le monde. Et que des fois, bon, le mercredi, le samedi, quand j'ai rien à faire, je vais à Paris. Et quand je regarde la Grande Horloge à côté de Beaubourg, et quand je vois les secondes et les heures défiler, et quand je pense qu'on arrive à l'an 2000, et quand je vois qu'à l'an 2000, il y a encore des enfants qui meurent de faim, quand je vois qu'il y a encore des gens qui ne peuvent plus vivre, je me dis qu'en fin de compte, l'an 2000, c'est rien. Ça sera un jour comme tous les jours, et qu'il y aura toujours des, si on ne fait rien, des gens qui mourront de faim. Et je ne peux pas tolérer qu'il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui. On fait la guerre. Et qu'est-ce que la guerre apporte? Des gens qui meurent de faim. Et quand on fait la guerre, on dépense de l'argent. Pourquoi dépenser de l'argent à faire la guerre alors qu'on pourrait le donner à ceux qui meurent de faim? Pourquoi dépenser de l'argent alors qu'on pourrait le donner à des gens qui sont dans la rue et qui n'ont pas d'argent? Et souvent, j'ai rencontré des marginaux. Et c'est des gens que j'admire beaucoup, non pas par leur bassesse physique, mais par leur capacité de vivre dans la rue, le jour, sans rien dire et sans rien demander. Non, ces gens n'ont même plus la notion du temps. Ils n'ont même plus la notion de savoir qu'est-ce que la vie. Ils vivent parce qu'ils sont présents, ils vivent parce qu'ils n'ont pas le choix de vivre. Que pour eux, c'est primordial, et le peu qu'on leur donne, il faut le respecter. Et pour moi, c'est, je les respecte, même si ils sont considérés comme les exclus de la société. Je les respecte tout simplement parce qu'ils sont des hommes. Et comme on dit, on est homme, on est soi-disant homme, parce qu'on est intelligent. Mais vraiment, je ne trouve pas qu'on est des hommes. Parce que si on dit qu'on est intelligent lorsqu'on est un homme, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait pas d'homme qui meurt encore bêtement, comme des bêtes. Et là, on n'est pas des hommes, on est des bêtes. Oui, c'est venu de vous. John Berger, Marie-Paul Leroy, Christophe Louis, Marc Pateau et les élèves de la classe de seconde 11. Avec les voix de Stéphane Becquier et Éric Dufaille. Aulnay ou quoi? Groupe de réalisation, Michel Maire, Isabelle Jeanneret, Michel Créis, Dominique Dindino, Philippe Dupin, Frédéric Joly. Nuit magnétique, bonsoir. Marie-Paul Leroy, je t'avais invité ce soir donc pour commenter avec toi cette émission où tu viens d'entendre tes élèves qui, dans des conditions assez fortes et émotionnelles, ont vraiment pris la parole. Alors je voulais recueillir tes impressions sur cette classe que tu fréquentes depuis un an. Oui, je me dis que ce qu'on a vécu cette année, c'est une histoire de confiance à retrouver. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette classe de seconde, ils avaient, eux, leur confiance en eux-mêmes abîmée. Et ils n'avaient pas non plus confiance en l'adulte. Et l'adulte, en face d'eux, c'était moi, par exemple. Et petit à petit, il a fallu être digne de leur confiance, enfin les persuader qu'ils pouvaient avoir confiance, qu'on pouvait ne pas mentir tout le temps, jouer un jeu artificiel ou qui était loin de leur vie. Et puis aussi, il a fallu aussi, enfin je crois que c'est une histoire de confiance aussi pour nous les adultes, à retrouver en eux, avoir confiance en eux. Parce que ces jeunes, il faut avoir confiance en eux. Et s'ils sont en échec, il faut effectivement abandonner l'idée confortable pour nous les adultes que s'ils sont en échec, ils sont en échec essentiellement par leur faute. Enfin, une faute congénitale ou je ne sais pas. Non, ils sont en échec pour d'autres raisons, je ne sais pas lesquelles. Enfin, ça serait peut-être trop long. Ils sont en échec pour des raisons fortuites extérieures. Eux, ils ont de vraies richesses, des vraies ressources. Alors il faut restaurer la confiance, leur confiance, alors leur confiance en eux, leur confiance en nous, et puis aussi restaurer notre confiance en eux. Et c'est pas facile parce que nous-mêmes, on se laisse prendre à l'image qu'ils donnent d'eux. L'image qu'ils donnent d'eux dans la cour, dans la rue, c'est une image désinvolte, voire parfois agressive. Et c'est pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est autre chose. Ce qu'ils sont, ce sont des jeunes qui se sentent piégés et qui parfois réagissent maladroitement parce qu'ils se sentent piégés. C'est très difficile à renouer le dialogue. Et ce que j'espère, moi, c'est que de les entendre, les autres adultes, moi j'ai eu la chance de les voir vivre et s'éveiller, là, se réveiller. Plusieurs sont vraiment réveillés. Ça ne veut pas dire que l'an prochain, ce seront des élèves géniaux. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, ça a été une expérience humaine importante où ils se sont ressaisis vraiment. C'est ça qui est important. Mais l'important aussi, c'est que ils donnent à voir d'eux-mêmes une autre image que celle que les médias habituellement nous donnent, surtout dans les jours comme aujourd'hui. Violence dans les banlieues. C'est difficile d'enseigner à Aulnay-sous-Bois actuellement. Très difficile. Et il est bon aussi que nous sachions, nous les enseignants, que les jeunes qui sont en face de nous sont des gens de valeur. Alors il faut nous donner les moyens. Simplement les moyens. Il faut aussi, c'est pas seulement un débat politique ça. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très profond. Il faut que les adultes, tous les adultes, pas seulement les gens qui ont le pouvoir politique, prennent conscience que cette jeunesse, c'est une richesse, et qu'il faut se donner les moyens de les aider. Les aider à quoi? Les aider à dépasser la colère. Samir, par exemple, est un garçon en colère. Il est noué par la colère. Et il ne peut pas bien travailler parce qu'il est noué par la colère. Il faut les aider à dépasser la colère, la résignation, la honte. On ne peut pas construire sa vie dans la honte. Et c'est monstrueux que nous, enfin les adultes, la société adulte, aient installé des jeunes dans la honte. Alors dit-il, je n'y suis pour rien, je n'ai rien fait. Bon. Alors donc oui, il faut les aider à dépasser la colère, dépasser la résignation, dépasser la honte, pour pouvoir avoir des exigences. Parce que, évidemment, qu'il faut avoir des exigences. Et là, je crois que, par exemple, la rencontre avec Marc a été intéressante pour ça, pour eux. Enfin, utiliser Marc. Marc leur a donné l'exemple de quelqu'un qui allait au bout, qui faisait des choses. Thierry disait, on a fait des concours, ça n'a jamais abouti. Là, il avait l'exemple d'un adulte qui allait jusqu'au bout. Il vivait dans le plaisir de ce qu'il faisait, mais c'était aussi du travail. Et donc là, c'était une leçon aussi forte pour eux. L'idée qu'on pouvait travailler et y trouver plaisir. Alors, est-ce qu'on peut apprendre aussi en trouvant plaisir? Alors oui, moi, je voudrais bien qu'il réconcilie l'idée de travail, l'idée de plaisir, l'idée de jouissance, la jouissance de la connaissance. Si on exclut le plaisir de la connaissance, on s'interdit d'apprendre vraiment. Il faut prendre plaisir pour pouvoir apprendre. Et donc, je crois qu'aussi ça, c'est donc une sorte d'aventure psychologique aussi cette année. Certains sont autorisés à prendre du plaisir en travaillant, avec l'idée cependant qu'il fallait travailler. Les poèmes qu'ils ont faits, je ne sais pas si ce sont des œuvres, comme dit l'un d'eux, mais enfin, 20 fois sur le tapis, ils ont remis l'ouvrage. Ils ont recommencé et recommencé et recommencé, parce que bien c'était le regard des autres qu'il fallait affronter. Et il fallait en être fier de ce qu'on avait fait. Et donc là, oui, on ne renaclait pas, ou un peu, ou pour la forme, enfin selon le caractère, mais enfin on le refaisait. Alors c'est ça qui m'intéresse. Essayer qu'ils aient vécu de l'intérieur l'idée qu'on pouvait apprendre, mais qu'on ne pouvait pas apprendre en fait sans plaisir. Je crois même qu'on ne peut pas apprendre sans plaisir. Et tu avais dit que tu souhaiterais revoir un certain nombre de ces élèves plus tard et en faire tes amis. Alors, toutes ces personnalités qui s'éveillent, que tu as entendues ce soir, qu'en dis-tu ? Ça me confirme ce que je voyais, ce que je sentais tout au long de l'année. Simplement, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment trouvé leur parole seulement à la fin de cette année. Et il y en a l'un d'eux, par exemple, c'est conjoint. C'est à la fois trouver la parole et trouver l'écrit. Son dernier devoir est construit, écrit, au début de l'année. Il était muet sur la feuille aussi. Et là, les choses se construisent. Son devoir ressemble à quelque chose. Mais bien sûr, il n'y a pas vraiment de découverte hein, pour moi. Alors même que parfois, ils le pensent, parce qu'ils ont dit les choses. Alors, c'est important pour eux, surtout. Mais c'est vrai que oui, dans la classe, plusieurs personnalités, beaucoup plus dignes que beaucoup d'adultes que je rencontre et que je côtoie. Bien entendu. Et l'an prochain, ces élèves vont être dispersés. Oui. Penses-tu que ces personnalités qui se sont éveillées vont pouvoir s'intégrer dans le système dit normal ? C'est fait pour cela. C'est pas du tout une expérience entre parenthèses. C'est pas hors la vie, hein. C'est tout l'inverse. Hein. L'expérience, c'est les mettre dans la vie, leur donner la force. C'est pas du tout un cocooning, hein. C'est pas ça. Ça serait complètement l'échec. Non, et je ne crois pas. Je crois que même si certains sont fragiles encore, ils en sont conscients, plusieurs qui sont fragiles, il s'agit de les aider à rentrer dans la vie telle qu'elle est. On peut rêver d'une autre vie, mais la vie, elle est celle qu'elle est. Et il faut qu'ils fassent leur chemin dans cette scolarité-là, dans ce lycée-là, et qu'ils aient le bac. Et donc l'année prochaine, ils vont aller dans diverses sections. Et ils vont être mêlés aux autres. J'espère simplement qu'ils auront retrouvé la force qui leur manquait, parce qu'ils avaient perdu des forces. Cette émission a été diffusée la première fois le 29 mai 1991 sur France Culture. Du 18 juin au 22 septembre 2019, au Musée du Jeu de Paume, Paris, exposition du travail photographique de Marc Bateau, réalisée à l'occasion de ses deux nuits magnétiques à Aulnay-sous-Bois. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.